La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, que veut dire normal ? Un jour, un futur président de la République a annoncé qu'il serait un président normal, sans voir que cette posture anticipée était piégée. En temps de crise, il faut un président de crise et non un président normal, sauf si l'on considère que la crise est un régime permanent, auquel cas la crise n'est plus une crise, mais la forme durable d'une certaine normalité. Au demeurant, en disant vouloir être un président normal, que voulait-il dire au juste ? Qu'il voulait être comme la moyenne des présidents précédents ? Ou comme n'importe quel Français ? Ou bien qu'il désirait être conforme aux règles ? Ou encore qu'il souhaitait lui-même servir de règle, comme l'on parle d'école normale ? Je rappelle que l'école normale n'est pas l'opposé d'une école pathologique, mais celle qui transmet les méthodes et forme les enseignants, bref, celle qui normalise l'enseignement. On voit par là que le mot normal interroge davantage qu'il n'instruit. On peut dire qu'est normal ce qui est conforme à la norme, mais alors, en fonction de ce qu'on entend par norme, normal peut renvoyer à toutes sortes de choses différentes. Ce qui est habituel, ce qui se rencontre dans la majorité des cas, ce qui ressemble à la moyenne, ce qui ne sort pas de l'ordinaire, ce qui est attendu, ou encore ce qui ne présente ni anomalie, ni altération. C'est donc la norme implicite qui se trouve derrière le mot « normal » qui détermine la représentation qu'on s'en fait. Or, en disant « président normal », on n'explicite pas la norme à laquelle on se réfère, de sorte qu'on ne tranche nullement la question de savoir en quoi consiste le fait d'être normal. Si on regarde maintenant du côté de la logique, c'est pire, car on découvre que la normalité a quelque chose d'encore plus mystérieux. Prenez le paradoxe dit de Russell, énoncé par Bertrand Russell, l'un des plus grands logiciens du XXe siècle, par ailleurs prix Nobel de littérature. Russell part de deux notions a priori simples et faciles à définir. Celle d'ensemble, d'une part, celle d'éléments d'un ensemble, d'autre part. Un ensemble se définit par le fait qu'il contient des éléments. Un élément se définit par le fait qu'il appartient à un ensemble. Jusque-là, tout va tranquillement bien. Russell propose ensuite de classer les ensembles en deux catégories. D'un côté, il y a les ensembles normaux, de l'autre, les ensembles non normaux. Un ensemble normal est un ensemble qui ne se contient pas lui-même comme élément. Prenons l'exemple de l'ensemble des physiciens. Il n'est pas lui-même un physicien. Donc l'ensemble des physiciens ne se contient pas lui-même comme élément, donc c'est un ensemble normal, malgré parfois les apparences. Un ensemble non normal sera le contraire, c'est-à-dire un ensemble qui se contient lui-même comme élément. Par exemple, l'ensemble des idées abstraites est non normal, puisqu'il est lui-même une idée abstraite et donc il se contient lui-même comme élément. Jusque-là, tout continue d'aller tranquillement bien, on est à l'aise, on ne perd pas le fil, on est dans une parfaite maîtrise intellectuelle de la situation. Mais maintenant, appelons grand N l'ensemble de tous les ensembles normaux. La question à ne pas poser, si on veut que son esprit reste à peu près normal, est celle-ci. N, qui est l'ensemble de tous les ensembles normaux, est-il un ensemble normal ou un ensemble non normal ? Examinons les deux possibilités l'une après l'autre. Première possibilité, N est normal. Mais alors si N est normal, il fait partie par nature de l'ensemble de tous les ensembles normaux, donc il se contient lui-même comme élément, donc il est non normal. Seconde possibilité, N est non normal, cela veut dire qu'il se contient lui-même comme élément, par définition, donc il est normal puisque N est l'ensemble de tous les ensembles normaux. Bref, si N est normal, alors il est non normal, et s'il est non normal, alors il est normal. On voit par là que, en partant de considérations triviales sur l'idée de normalité, nous sommes catapultés en deux coups de cuillère à peau dans un monde étrange, où un énoncé peut être aussi vrai que son contraire. C'est le signe aussi qu'il n'est pas très normal de prétendre savoir ce qu'on dit quand on dit qu'on est normal ou que c'est normal. Le mieux est donc, pour comprendre ce qu'est le normal, d'interroger son contraire, c'est-à-dire la notion d'anomalie. Et c'est ce que je compte faire aujourd'hui avec mon invité, qui est Hervé Letellier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, membre de l'Oulipo. Vous êtes bien connu des auditeurs de France Culture, puisque vous avez longtemps participé au Papou dans la tête. Et vous publiez un livre qui tombe à pic, compte tenu du problème que j'ai posé. Il s'intitule « L'anomalie ». Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai invité ? Non mais je vais le découvrir dans ce temps. Je vous ai invité parce que dans votre livre, il y a un personnage qui s'appelle Victor Mizel, qui est écrivain, traducteur, et qui, comme vous, a écrit un roman intitulé « L'anomalie ». Il se suicide avant la parution, mais son livre fait un triomphe au point que France Culture, dites-vous, page 82, lui consacre 3 émissions. Et je voulais que la conversation scientifique soit l'une des 3, bien que vous ne vous soyez pas suicidé. Oui, pas encore. Mais ma seconde question, plutôt la première du coup, sera de vous demander si vous êtes suisse. Pourquoi ? Vous allez voir. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes réel ? À la limite, suisse, je peux répondre assez facilement non. Pour la question de la réalité, ça pose tout de suite celle de la définition qu'on donne à ce que c'est que le réel. Par définition, l'ensemble des choses qui font qu'on peut se définir appartenant comme un monde réel, et on se rend compte, en fait, que c'est très compliqué de savoir où commence le réel, où finit le réel. C'est pas seulement une question philosophique simple, c'est quasiment une question de physique, de savoir si on est vraiment constitué d'atomes ou si on est constitué d'autre chose. L'idée générale, c'est qu'on est constitué d'atomes, mais après tout, on pourrait se poser la question de savoir si un personnage d'un jeu vidéo ne peut pas avoir l'illusion qu'il est constitué lui aussi de matière, alors qu'en fait il n'est qu'un programme très très bien constitué lui-même de code, de logiciel. Alors ça nous amène très vite à votre roman, mais avant de l'aborder, si je vous ai posé la question de savoir si vous êtes suisse ou si vous êtes réel, c'est tout simplement parce que Hervé Le Tellier a pour anagramme l'Helvète irréel. Ah oui. Et donc il se pourrait qu'il existe un monde parallèle où vous êtes un Suisse, pas tout à fait vrai. C'est une jolie anagramme. J'en avais d'autres qui étaient beaucoup moins intéressantes. Par exemple, H être le lièvre, mais c'est beaucoup moins bien. L'Helvète irréel, je trouve que ça vous correspond finalement assez bien. J'ai dit en vous présentant Hervé Le Tellier que vous faites partie de l'Oulipo. Qu'est-ce qu'on y fait ? Oh, l'Oulipo, c'est un groupe de travail. On se définit souvent de manière négative, en disant qu'on n'est pas une école, qu'on n'est pas un mouvement. On est juste un groupe d'environ, je dirais, 42 personnes, j'ai pas le nombre exact en tête, qui, depuis 1960, se réunissent pour parler de littérature à contrainte et de littérature qui obéit à des structures. Voilà. Et qui travaillent parfois comme ça. Mais c'est pas systématiquement le cas des Oulipiens. Donc il faut se définir comme un groupe de travail. C'est l'idée que les contraintes sont fécondes. C'est l'idée que travailler avec une contrainte peut nous emmener plus loin que ce que nous aura emmené un travail sans contrainte. Par exemple, si vous avez une volonté d'écrire un livre sans la lettre E, comme ce que fait Pérec avec la disparition, vous écrivez forcément un livre très différent que celui que vous auriez écrit en acceptant d'utiliser la lettre E. Mais ça veut dire aussi que si on décide de construire un roman autour d'un damier, autour d'une structure forte de plateau, par exemple, avec des chapitres qui se retrouvent sur chacune partie des cases, vous obtenez un déplacement dans les personnages, dans les sentiments, qui fait qu'on n'écrit pas tout à fait le même livre que celui qu'on aurait écrit sans cette contrainte. Et l'idée que la contrainte nous emmène sur des chemins de chèvre qui sont des chemins différents de celui d'une narration linéaire, c'est une idée intéressante, y compris pour quelqu'un qui aime sortir lui-même des sentiers battus. Alors quand on lit votre roman, que j'ai trouvé magnifique, L'Anomalie, on a l'impression que c'est un livre oulipien. On sent qu'il y a des contraintes quelque part, mais on n'arrive pas à les identifier. Tant mieux. Est-ce que vous les avez vous-même en tête ? Est-ce que vous avez écrit avec l'idée qu'il y avait une sorte de code à respecter ? J'ai travaillé avec deux idées fortes que je voulais faire se tresser un petit peu comme un Scooby-Doo pour avoir un roman avec de nombreux personnages. Mais je n'ai pas obéi à des contraintes de langue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où je travaille sans telle lettre, où je m'impose des choses autour de la linguistique. Il y a quelques petites contraintes de structure, mais qui ont disparu. Enfin, une fois qu'on commence à travailler sur la fiction, sur la narration, la priorité pour moi, c'était d'avoir un roman qui soit un vrai roman. En plus, c'est un roman de romans, donc il y a beaucoup de romans à l'intérieur, il y a beaucoup de fils tressés qui se mélangent, et donc je voulais avoir une narration extrêmement, pas linéaire, parce qu'il y a une linéarité un peu brisée dans ce roman, mais un roman qui se lise vraiment de manière dynamique, et qu'un lecteur soit pris au début et arrive à la fin en étant saisi du début du premier chapitre à la fin. Alors du dernier. Je confirme que pour le lire, il faut le lire d'une traite, pour ne pas perdre le fil, notamment la suite des personnages, ouais. qui sont tous appelés par leur prénom, des prénoms assez courts. Ouais. Et puis par ailleurs, moi j'ai repéré beaucoup de Zeugma dans votre oui, livre. Oui, mais ça c'est... Des sortes de clins d'œil. C'est des plaisirs d'écrivain, je pense, le Zeugma. Oui, mais ça rend l'écriture justement jouissive, ouais, et ouais. ça facilite la lecture. Blake boit son café sans sucre ni inquiétude. Oui. Sophia regarde sa mère qui prend les clés de la voiture en silence, puis par la main, Liam qui ronchonne. C'est vrai. Et puis j'ai trouvé des phrases autoréférentes, des phrases dont l'énoncé contredit le message. Par exemple, le vrai pessimiste sait qu'il est déjà trop tard pour l'être. Alors en même temps, c'est vrai. En même temps, c'est une très bonne définition du pessimisme. C'est celle que donne Victor Meusel, donc l'écrivain du roman, dans son propre texte. Et c'est pas faux. Et puis vous parlez d'un tueur à gages, je vais pas donner son nom. Il est très présent dans votre livre. Après avoir commis son meurtre, il arrange le corps, dites-vous, du mieux qu'il peut, selon l'hypothétique trajectoire que lui aurait imposée la gravité après une glissade tragique. Oui. Hypothétique imposée. Oui, ben c'est la contradiction entre l'hypothèse de la chute et les lois de la gravité. Et si l'argent n'était pas autant surestimé, on lui accorderait moins de valeur. Ah, ça c'est une des phrases citées par un des financiers dans un des chapitres, effectivement, mais je sais plus de qui elle est, je crois qu'il cite quelqu'un, mais elle est assez belle, hein, on dirait du Groucho Marx. Moi ça m'a fait plutôt penser à Yogi Berra. Oui, aussi. C'est entraîneur de baseball qui, à la mi-temps des matchs, je sais pas si on dit match pour le baseball, mais en tout cas, parlait de tout à ses joueurs, sauf du match. Et il leur lançait des aphorismes, qu'on appelle des bérismes, qui étaient basés sur l'autocontradiction. Par exemple, personne, disait-il, ne va jamais dans ce restaurant parce qu'il est toujours bondé. La théorie et la pratique, c'est la même chose, sauf qu'en pratique, c'est pas vrai. Ou bien encore, allez aux obsèques de vos amis, sinon ils ne viendront pas aux vôtres. Cela est très belle. Hein. Je vais vous demander, puisque vous avez défini le pessimisme dans la bouche de l'un de vos personnages, si vous connaissez la définition du vrai optimiste, selon Jean d'Ormesson. Non, je connais celle selon Billy Wilder, mais je prends celle de d'Ormesson. C'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. Ah oui, c'est une très bonne définition. Alors, celle de Billy Wilder est bien aussi. C'est laquelle ? On lui demande quelle différence entre un optimiste et un pessimiste. Il faut se souvenir que Billy Wilder a échappé quand même au nazisme. Il dit, eh bien, les pessimistes sont à Hollywood et les optimistes sont à Auschwitz. Bon, elle est terrible. Elle est plus terrible, évidemment. Victor Meusel, c'est le nom d'un auteur que j'ai déjà cité, qui vous ressemble un peu. Est-ce que c'est votre double ? Oui et non. Il est plus jeune. Il est sans doute plus serein que moi, c'est ce que j'aimerais être, en fait, dans le petit monde. Enfin, il est plus serein, mais il se suicide. Oui, mais enfin, c'est... Il se suicide, et à la fin... Dans un contexte très particulier. Il ressuscite, d'une certaine façon. Celui qui revient est infiniment plus joueur et infiniment plus à l'aise dans le monde que sans doute celui qu'il était avant. Vous dites qu'il est entre Romain Gary et Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, il est entre le suicidé et le ressuscité. Donc c'est l'idée qu'on peut se remettre de ces échecs que vous tentez d'illustrer, qui est l'idée d'un double ou d'une seconde vie qui pourrait racheter la première. C'est non seulement se remettre de ces échecs, mais c'est considérer que ces échecs n'en sont pas et que c'est un concept qui doit être éliminé de son esprit, de penser qu'il y a des succès et des réussites, que c'est le fait du hasard et que c'est quelque chose qu'il faut vraiment relativiser. À un moment donné, je crois que l'un des personnages dit de Meusel, qui connaît le succès tardivement, donc et même après sa mort, que le succès à 50 ans, c'est la moutarde qui arrive au dessert. C'est une phrase que j'avais entendue dans la bouche de Queneau, enfin, dite par Queneau et qu'on m'avait répétée, que je trouve assez jolie, puisque Queneau avait connu le succès très tardivement avec Zazie, et qu'il comprenait pas, il avait l'impression d'un quiproquo autour de l'affaire Zazie, et il a eu cette phrase un peu définitive que je trouve assez juste, et qui relativise considérablement l'idée du succès. Meusel, qui a écrit comme vous un livre qui s'intitule L'Anomalie, connaît le succès, mais après sa mort. C'est ça. Et donc, comme il a l'occasion de connaître ce qui lui arrive après sa mort, d'une manière un peu surprenante, il connaît le succès vivant, mais après sa mort. C'est donc l'idée de pouvoir aller à ses propres obsèques. Un peu comme Yogi Berra le conseillait. Yogi Berra, voilà. Mais Mizell, il a aussi résolu quelques très graves questions philosophiques. Par exemple, il écrit « L'existence précède l'essence et de pas mal en plus ». Oui, c'est un jeu avec des amis, parce que je fais partie d'une petite association de camarades qui s'appelle les Amis Jean-Baptiste Botul. Et à l'époque où nous avions inventé le personnage de Botul, dans lequel un philosophe célèbre est tombé... S'est fait piéger tout seul. Nous ne citerons pas le nom. Nous avions inventé ce qu'on appelle des botulèmes. Les botulèmes, c'était des phrases définitives de Botul sur la vie, et qui portaient en elles une bonne dose de philosophie et de cynisme. L'une d'entre elles, c'était « La délinquance est la forme la plus démocratique de l'aventure », qui est une jolie phrase de Botul. Et l'une d'elles était également « L'existence précède l'essence, mais de peu ». Et pour ne pas reprendre la phrase de Botul, je l'ai inversée en disant « Et de pas mal en plus », ce qui est un peu pareil. Voilà. C'est comme dirait le rabbin de Jérusalem. On peut aussi le dire comme ça. Il y a des passages qui m'ont fait beaucoup rire dans votre livre. Par exemple, un des personnages qui s'appelle Victor, je crois, qui essaie de séduire une jeune femme qui participe comme lui aux assises de la traduction d'Arles. Il l'aborde en lui demandant, elle est traductrice, comment traduire crème anglaise en anglais, puisque French cream, c'est la chantilly, c'est la crème chantilly. Et elle lui répond Ascot cream. Il lui a fallu du temps pour comprendre que Ascot, c'est aussi le nom d'un hippodrome en Angleterre, et Chantilly également. Et donc, c'est une possibilité de traduction. Une possibilité de traduction. Je ne sais pas si elle serait très bien comprise, mais en tout cas, elle est... c'est le problème de la symétrie dans la traduction. Comment faire pour rendre dans une langue qui ne dispose pas des mêmes instruments voilà. L'idée que la Chantilly soit la French cream, c'est quand même une belle idée. Voilà, donc avant qu'on parle du roman lui-même, je voulais qu'on sente le plaisir... de lecteur, qui vient du fait que vous avez une façon d'écrire qui est assez jouissive, un style assez personnel. Par exemple, vous faites dire à ce monsieur Mizell, Victor Mizell, « La fraîcheur de l'oreiller me renvoie chaque fois à la veine température de mon sang. Si je frissonne de froid, c'est que ma fourrure de solitude ne parvient pas à réchauffer le monde. » Oui. C'est de vous, ça? Alors oui, c'est de moi. C'est-à-dire que c'est un moment où j'essaye de... donner au livre intérieur de Victor Mizell dans l'anomalie, donc dans le livre qui s'appelle l'anomalie, il y a le livre qui s'appelle l'anomalie, et Victor Mizell, à un moment de sa vie, écrit une sorte de livre un peu foudroyant, qui est une succession d'aphorismes puissants, et finalement je pastiche une forme de littérature blanche qui m'a toujours plu et en même temps amusé, parce que j'avais la sensation de voir des techniques à l'intérieur. Donc j'ai appliqué ces techniques à ce petit livre intérieur de Victor Mizell, où il déballe un nombre d'aphorismes puissants, les uns derrière les autres, avec une grande facilité. Et c'était l'amour, assez... L'amour, c'est ne pas pouvoir empêcher le cœur de piétiner l'intelligence. Ça, c'est quand même seulement, très pessimiste. C'est non seulement... Oui, mais c'est tellement vrai. Et puis vous avez... Enfin, il ou vous, je ne sais pas ce qu'il faut dire, et une phrase sur la gloire... avec laquelle on ne peut être que d'accord, il dit « Toute gloire ne saurait être qu'une imposture, sauf peut-être dans la course à pied, mais je suspecte quiconque affirme la dédaigner, d'enrager d'avoir seulement dû y renoncer. » Oui. Ça fait penser à cette... Je suspecte seulement, peut-être qu'il y a des vrais sages. Hein. Je n'élimine pas la possibilité qu'il existe des gens capables de dédaigner totalement la gloire. Il y a un grand alpiniste qui s'appelle Louis Lachenal, qui a fait la Napurna en même temps que Maurice Herzog, et qui a écrit « La gloire est une affaire privée ». C'est fondamentalement vrai. Mais c'est tout de même, malgré tout, une affaire sociale, et il y a toujours une dimension, y compris dans le... On ne triomphe jamais uniquement de soi-même, quoi. Il y a toujours une dimension sociale, je crois. Il y a une phrase, et on en terminera avec ces quelques exemples, Hervé Le Tellier, pour laquelle je vais vous demander quelques éclaircissements, parce que je ne l'ai pas comprise. Vous dites, l'âge, vous parlez du fait qu'un homme qui a plus de 60 ans se voit dans le miroir avec une certaine forme de désolation, en constatant des visus ce qu'il perd. Il dit, l'âge est partout comme un carcan de boue, et ce personnage en l'occurrence se trouve bouffi aussi, empâté. Il devrait faire un régime. Décidément, dites-vous, vieillir ce n'est pas seulement avoir adoré les Stones et se mettre à leur préférer les Beatles. Oui, ça vient d'une discussion, un dîner avec des amis, où nous avions tous un âge où on peut avoir le droit d'avoir une carte SNCF de réduction. Et nous avions constaté, un peu en discutant, qu'on était plus tolérant qu'on était auparavant avec les Beatles, que nous aimions beaucoup moins. Et on s'était dit que peut-être c'est un effet du vieillissement que de commencer à aimer les Beatles. Et j'avais bien aimé cette manière de résumer la chose. J'étais un grand fan des Stones. J'aime toujours beaucoup les Stones. Mais j'ai vu un film de Richard Curtis il y a quelques années qui s'appelait Yesterday. Et j'avais trouvé tout à fait charmante les chansons des Beatles qu'auparavant je trouvais un peu fadasse. Et aujourd'hui j'aime beaucoup les Beatles. Donc je me suis dit que peut-être c'est un effet du vieillissement. C'est moins net que les rides et c'est peut-être très personnel. Mais je l'ai gardé parce que je trouvais que c'était une assez jolie formule. Bon, je crois qu'on a à peu près le même âge, mais on n'a pas la même façon de vieillir. Alors, est-ce que vous avez vu Tenet, le dernier film de Christopher Nolan, Hervé Le Tellier? Alors, j'avais beaucoup aimé Interstellar, et on m'a dit que Tenet était beaucoup moins rigoureux au niveau scientifique, et finalement était une sorte de blockbuster américain classique. Voilà, il y a du name dropping de théorie physique, la théorie de Wheeler, Feynman sur les antiparticules qui remontent le cours du temps, l'entropie négative, la rétrocausalité, etc. Mais elles sont pas vraiment utilisées dans le scénario. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de scénario très clair. Alors que chez vous, on va y venir, il y a quand même de la physique qui est invoquée. Oui. Est-ce qu'on peut revenir à, sans le raconter tout à fait, à la trame du roman? Il y a une histoire d'avion. Oui, il y a une histoire d'avion. Et puis, alors il y a cette anomalie qui fait qu'à un moment donné, ça va être difficile de le faire sans révéler un tout petit peu la trame, mais ça me dérange pas trop de le faire parce que je pense que à un moment donné, il va falloir bien que j'en parle à différents moments. Et j'ai lu il y a quelques 20 ans presque un article d'un philosophe suédois qui travaille maintenant à Oxford et qui s'appelle Nick Bostrom et qui avait développé dans un article l'idée que le monde pouvait bien être une simulation et que nous avions des chances d'être des programmes plutôt que des êtres véritablement pensants dotés de matière. Et son argument était le suivant, que je trouvais purement probabiliste mais parfaitement efficace. Il disait il y a en fait trois solutions qui sont en fait des solutions qui sont toutes qui couvrent l'intégralité des options possibles. La première, et qui n'est pas du tout une option impossible, c'est que toutes les civilisations techniques, toutes celles qui sont basées sur une technologie et qui finissent par conquérir leur planète intégralement, se détruisent elles-mêmes. Et donc elles ne dépassent jamais le stade auquel nous sommes en train de parvenir, qui est un stade de surpopulation, de surexploitation de la planète, de destruction de l'environnement et de la biodiversité, de réchauffement climatique, et que donc elles vont s'éteindre en tant que civilisation. Il donne quelques exemples et il dit voilà, c'est une des options. La deuxième option, c'est que une civilisation technique, de temps en temps, dépasse ce niveau de technologie et surmonte donc sa propre disparition, devient une civilisation hyper technique et donc domine le monde avec des supercalculateurs. Ces supercalculateurs n'ont rien à voir avec ceux qu'on a aujourd'hui. Ils sont des milliards de milliards de milliards de fois plus puissants. C'est assez facile à voir parce qu'un ordinateur est quasiment 1000 fois plus puissant tous les 10 ans. Donc il suffit de très peu de temps, un siècle, pour avoir un ordinateur 1 milliard de milliards de milliards de milliards de fois plus puissant. Et il dit, et soit cette civilisation super technique s'intéresse à simuler les ancêtres, soit elle ne s'intéresse pas à la simulation. Si elle ne s'intéresse pas à la simulation, il n'y a pas de problème, mais imaginons qu'elle s'intéresse à la simulation. Simuler, ça veut dire mettre dans l'ordinateur un certain nombre de conditions pour imiter une civilisation complète, la simuler. C'est-à-dire, par exemple, nous, on s'intéresse à savoir ce que serait devenu Néandertal. Donc, on met les gènes de Néandertal dans un certain nombre d'individus virtuels et on fait développer ces individus virtuels dans un environnement qui est celui de la planète avec une puissance de calcul formidable et on regarde ce que serait devenu Néandertal. Et il en conclut que, eh bien, une civilisation très avancée peut simuler des milliards de civilisations et donc si on est un être pensant, eh bien, on a plus de chances d'être dans une simulation que d'être réel. Ça vient d'un calcul de probabilité. C'est un calcul de proba pur. Et il y a une dizaine d'années, il y a eu un colloque consacré à cette question, qui est une question très sérieuse, qui a eu lieu au Planétarium de New York, qui est dirigé par Neil Tyson deGrasse, qui est un grand vulgarisateur américain. Et à la suite de ce colloque, la conclusion était qu'il n'y avait pas de conclusion. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas déterminer, et c'est un des problèmes classiques, hein, c'est le problème de Cantor, d'avoir une théorie scientifique qui n'est pas scientifique justement parce qu'on ne peut pas montrer le contraire. Il n'y a aucun moyen de trouver une expérience qui viendrait contrer... De Popper plutôt que de Cantor. Pardon, de Popper. Karl Popper. De Karl Popper. Il y a cette idée de Karl Popper qu'on ne peut pas la réfuter. On ne peut pas imaginer pouvoir la réfuter. Voilà, il n'y a pas de système de réfutation possible d'une théorie, et donc cette impossibilité de trouver une réfutation fait que ça n'est pas une théorie scientifique. Alors c'est évidemment, c'est le théorème de Dieu quasiment, hein, c'est quelque chose qui s'apparente un peu à ça. Est-ce qu'il existe une superpuissance hyper intelligente capable de nous simuler ou pas? Voilà, c'est une des questions qu'on peut se poser. Donc c'est finalement l'idée que nous sommes des programmes. Des programmes. Et que tout ce qui advient est le résultat d'une programmation. Une programmation, une sorte de gigantesque simulation dans laquelle nous sommes pris. C'est pas très compliqué de simuler un être humain. La bande passante d'un être humain est quelque chose de relativement faible. Nous avons 10 millions, par exemple, de capteurs au niveau des yeux. Nous avons une bande passante au niveau des oreilles qui est relativement faible. Nous avons la sensation de toucher, mais sur une surface qui est relativement déterminée elle aussi. Donc simuler Il y a quand même le problème de la conscience, la pensée. C'est-à-dire, est-ce qu'un algorithme aussi puissant soit-il, est capable de penser ce qu'il pense? Voilà, c'est une question philosophique à laquelle on aura sans doute peut-être un jour la réponse. Ça sera peut-être pas très agréable d'ailleurs d'avoir la réponse, en fait. Je prends un avion qui va de Paris à New York, et si je suis dans ce système que vous évoquez, à savoir que tout est programme ou programmation, qu'est-ce qui peut arriver à cet avion? Normalement, il se pose à New York. Alors, normalement, il se pose à New York, sauf si anomalie il y a. Et c'est l'idée générale de l'anomalie. Sauf si quelque chose n'est pas normal. Sauf quelque chose n'est pas normal. Et donc, la chose qui n'est pas normale, eh bien, c'est que cet avion va se poser une première fois, en mars, il décolle en mars, il se pose en mars, ce qui est la loi logique. Mars 2021. Donc il s'est pas encore posé. Non, c'est pour bientôt. Et puis un deuxième avion va surgir dans le ciel plus tard, 3 mois plus tard, le même avion avec le même personnel de bord et les mêmes passagers. Et évidemment, ces passagers. Et là, je dis vulgaire, mais je pense que c'est pas très gênant par rapport à la logique du roman. Donc ces personnages se retrouvent nécessairement en double. Certains se sont posés en mars et leur double se pose en juin. Donc ils ont finalement une double existence, mais une seule vie. Et c'est toute la question de savoir qu'est-ce qu'on fait face à soi-même, qu'est-ce qu'on fait lorsque on a chez soi quelqu'un qui est exactement nous avec 3 mois de moins. Et 3 mois de plus en fait, mais qui s'est posé 3 mois plus tôt et qui a donc vécu des choses pendant 3 mois qui sont des choses déterminantes pour sa propre vie, ou même il ne s'est rien passé de spécial, mais il est vraiment la même personne avec il aime la même femme ou elle aime le même homme ou elle aime la même femme d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on fait de cet amour et qu'est-ce que la personne qu'on aime fait du fait d'avoir deux personnes à aimer? Et de manière absolument semblable. Donc les passagers qui sont dans l'avion ont chacun une sorte de clone qui est décalé temporellement de 3 mois. C'est ça, à part que, oui, c'est ça. On peut dire que c'est un clone parfait, puisque y compris leurs souvenirs sont... Une photocopie d'eux-mêmes décalée dans le temps. Une photocopie d'eux-mêmes, voilà. Et la question est de savoir qu'est-ce qui finalement est essentiel. C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que c'est la question de la liberté aussi? Puisque si on savait ce qu'on va devenir, on changerait nos choix dans le présent. Oui, bien sûr, c'est la possibilité tout de suite de s'observer 3 mois plus tard et de dire, ah, peut-être que c'est vraiment pas le bon choix. Peut-être que je ferais mieux d'interrompre cette histoire, ou peut-être que je ferais mieux de modifier mes options. Et donc, c'est pas offert à tout le monde de pouvoir s'observer 3 mois plus tard et de pouvoir faire d'autres choix. Bien sûr, c'est une liberté qui touche au libre arbitre, mais ça touche aussi, bien sûr, à la diversité de la vie. Il y a toujours des moments, je crois, enfin, j'ai en tout cas cette sensation que j'ai eu dans ma propre existence des milliers de moments de bifurcation élémentaires et des grands moments de bifurcation fondamentaux. Mais beaucoup de moments de bifurcation fondamentaux, peut-être une trentaine des moments où je me suis dit « Tiens, peut-être j'aurais pu avoir cette vie, tiens, peut-être que j'aurais pu continuer ceci, peut-être que j'aurais dû prendre ce tournant à gauche plutôt que ce tournant à droite, peut-être que j'aurais pu avoir un accident à ce moment-là, etc. » Et il y en a des nombreux, enfin, tout le monde peut faire le compte de ces moments de bifurcation et de divergence et de se dire « Tiens, c'est là qu'il se passe quelque chose et que j'aurais pu faire un autre choix. » Dans ce moment précis du livre, avec cette bifurcation sur 3 mois, il se passe beaucoup de choses quand même. On se rend compte d'ailleurs pendant le confinement qui a duré 3 mois, c'est un peu un hasard en fait. Hein. Je veux dire que c'est une sorte de parallélisme possible entre le confinement et le moment de ce livre. Mais pendant ces 3 mois, il s'est passé beaucoup de choses pour tout le monde. Mais est-ce que vous avez entendu parler, Hervé Le Tellier, de la théorie des univers parallèles, d'Everett, qui est une façon d'interpréter la mécanique quantique? Oui, quand on fait une mesure dichotomique, une mesure qui peut donner a priori 2 résultats possibles, on fait une mesure, un seul se manifeste. Et l'hypothèse d'Everett, c'est qu'en même temps, il y a création d'un autre univers, ou d'une autre couche de réalité plutôt, dans laquelle c'est l'autre option qui s'est réalisée. Alors, j'ai entendu parler de cette théorie, je la trouve extrêmement intéressante, et j'ai entendu parler d'une autre théorie, voici peu, à la suite d'une expérience en Antarctique, que j'ai trouvée fascinante, c'est l'idée d'un univers avec un temps inversé. Avec une rétro-causalité, pour le coup, avec un effet de causalité inversée qui lui m'échappe complètement. Enfin, j'ai du mal à imaginer ce que ce peut être qu'un rebond à l'envers. Pourtant, pour le rebond, c'est peut-être la chose qu'on imagine le plus à l'envers. Mais l'idée qu'une pomme remonte dans la main, l'idée que les gouttes de pluie remontent vers le ciel me semble toujours une chose très importante et à imaginer, ne serait-ce que pour l'expérience de pensée. En fait, ce que propose d'ailleurs ce livre, c'est une expérience de pensée. Absolument. Et nous, on va d'abord écouter un morceau de musique que vous avez choisi avant de parler de cette rétro-causalité, par exemple. Et c'est Everybody Knows de Leonard Cohen, chanté par Sigrid. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. France Culture, la conversation scientifique. Étienne Klein. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Oh, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet. But there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever when you've drawn a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still caught for your ribbons and bows. And everybody knows. Hervé Le Tellier, vous avez choisi Everybody Knows, la célèbre chanson de Leonard Cohen, interprétée ici par Sigrid. Il y a un rapport à votre... Oui, avec votre roman. Il y a un rapport parce que, bon, d'abord, je trouve que Cohen est un poète formidable. Il y a toujours une dimension très quasi biblique dans ses textes. Everybody Knows est un poème, puisque c'est un poème, qui, pour moi, est assez évocateur d'un poème biblique que j'ai toujours adoré, qui est l'Ecclésiaste, Coëlette. Ça me fait vraiment penser dans la manière dont, au fond, Coëlette dit la vanité du monde. Je retrouve ça dans cette chanson. Et on a coupé juste avant un petit passage où elle parle de la peste qui arrive. Everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. C'est pas seulement une vision tout à fait réaliste du Covid qui s'étend, mais c'est aussi une vision de la mort et de la vieillesse et de la manière dont la déchéance arrive vite, qui évidemment fait tout de suite référence à l'idée de la vanité et à l'idée de la disparition. Donc je trouve que c'est un texte très puissant. Je trouve en plus que l'interprétation qui est celle de Sigrid, qui est une jeune chanteuse suédoise, est absolument formidable. Alors vous parliez tout à l'heure, Hervé Le Tellier, de rétrocausalité. Oui. Alors en physique, on en parle un peu aussi, puisque on peut concevoir l'espace-temps comme étant présent de toute éternité, et finalement les événements du futur sont déjà là quelque part où nous ne sommes pas. Les événements du passé sont ailleurs où nous ne sommes plus. Et ce qu'on appelle le présent, c'est ce qui se passe à l'endroit dans l'espace-temps où nous sommes présents. Donc c'est notre présence qui détermine ce qu'on appelle le présent. Et donc dans cette configuration qu'on appelle la doctrine de l'univers bloc, le futur, d'une certaine façon, existe déjà dans l'avenir. Sauf que si on met de la mécanique quantique dans l'affaire, on est embarrassé parce qu'on est obligé d'admettre une forme de rétrocausalité qui n'est pas simplement l'idée d'avoir une certaine conception du futur qui rétroagit sur nos actions présentes, mais c'est des événements du futur qui viennent directement modifier le présent. Est-ce que, dans votre roman, L'Anomalie, il y a cette idée de rétrocausalité qui intervient au sens où les personnages, qui sont donc dédoublés avec un décalage temporel, auraient pu changer leur vie s'ils avaient eu connaissance de ce qu'il arrivait dans le futur? Ben, je pense que c'est le cas général de chacun, de pouvoir imaginer ce qui arrive dans ce futur. En fait, on se détermine par rapport à un futur qu'on imagine à chaque fois dans notre propre vie. On ne fait que se projeter. Si on tombe amoureux de quelqu'un, c'est pour la promesse du bonheur qui nous est donnée demain. Donc on est toujours sur cette idée d'une promesse, que l'avenir nous promesse positive ou négative, que nous donne l'avenir. Il y a une question aussi sur la granularité du temps, qui m'a toujours fasciné, l'idée que le temps n'est pas une simple continuité, mais qu'il y a une dimension de grains, de petits fragments minuscules. C'est-à-dire que le temps ne s'écoulerait que de temps en temps? Le temps s'écoule de temps en temps, mais par à-coup. Enfin, l'idée qu'il y a un à-coup, même si cet à-coup est infiniment petit, l'idée que ça puisse être un à-coup. Ce qui est nécessaire dans une simulation, parce qu'une simulation... Discrétise le temps. C'est-à-dire qu'on force forcément un mode discret, et c'est la seule façon d'ailleurs de travailler dans une simulation, c'est de passer de, non pas avec un DT, avec une continuité, mais de passer à un T plus N, N étant infiniment petit. Et donc c'est cette idée aussi que dans cette simulation générale, peut-être que un siècle se passe en une seconde, peut-être que le temps qui est le temps subjectif dans lequel nous vivons, qui est un temps dans lequel on peut mesurer avec des instruments qui autrefois étaient la clepsydre et aujourd'hui sont infiniment plus puissants, n'est quand même qu'une illusion par rapport à la réalité d'un temps qui se passerait dans un immense ordinateur où nous serions simulés et où notre vie durerait peut-être justement quelques fractions de secondes. Mais quel serait le rapport entre ce temps de la simulation et le temps tel qu'on l'éprouve, le temps physique, disons? Pour nous? Oui. Le temps de la simulation n'existerait pas, puisque nous n'en aurions jamais conscience, et nous serions tout le temps pris dans ce temps distendu, infiniment distendu, dans lequel nous pouvons vivre, dans lequel nous pouvons aimer, dans lequel nous avons une naissance, une mort, et entre lesquels nous avons l'impression d'avoir vécu des dizaines d'années, alors qu'en fait c'est quelques fractions de secondes, dans la réalité de... Donc peut-être que c'est une simulation de simulation, mais en tout cas dans la réalité de cette simulation, ça serait très court. Et je trouve cette idée fascinante. Il y avait une autre idée que je n'ai pas traitée là, mais que je trouve assez étonnante, c'est que nous avons individuellement une conscience du temps qui s'écoule, mais je me suis toujours demandé si la conscience d'un animal était toujours la même pour tous les animaux. Est-ce que parfois des animaux qui vivent très peu de temps ont la même notion du temps? Est-ce que certains qui vivent très longtemps ont cette même... Enfin, la conscience du temps qui s'écoule est quand même une conscience assez bizarre. On peut se poser cette question-là en permanence. Il semblerait que l'augmentation de l'espérance de vie modifie le rapport qu'on a avec sans le doute, temps, en tout cas doute. Avec sa durée de vie. En tout cas. Sans doute. Alors, revenons à l'avion. L'avion qui se pose à New York au mois de mars 2021, qui se repose le même avec les mêmes passagers, qui ont le même ADN, qui sont absolument identiques à ceux du premier. Évidemment, quand les Américains se rendent compte de cette anomalie, bah, ils convoquent les scientifiques pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ils les appellent la nuit pour les amener à la Maison Blanche. Ils réveillent aussi deux philosophes. Oui. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne dérange que les scientifiques. Oui. Ce qui donne à la philosophie un certain prestige. Absolument. Parce qu'on a besoin de réveiller en pleine nuit des philosophes. Pour, oui, il y a urgence. Il y a urgence. Il y a urgence. Et parmi les hypothèses qui sont évoquées... C'est comme on ne réveille jamais la nuit un homéopathe. Je pense. Non, c'est une méchanceté. Mais parmi les hypothèses qu'envisagent les scientifiques qui sont ainsi convoqués à la Maison Blanche, il y a celle des trous de ver. Les trous de ver qui sont des sortes de raccourcis dans l'espace-temps repliés qui permettent, sans violer le fait que la vitesse de lumière ne peut pas être dépassée, permettent de connecter deux points de l'espace-temps plus rapidement que si on prenait une trajectoire, disons, normale. Toujours cette idée de replier une feuille, de faire un trou, de manière à ce que la 2D et la 3D se rejoignent. Et cette hypothèse ne fait pas l'unanimité, mais pourquoi est-ce que vous l'avez j'ai voulu faire une sorte de... Bon, j'avais au départ une dizaine d'hypothèses possibles, je les ai résumées à trois. Ça ressemble à Interstellar, pour le coup. Oui, bien sûr, ça ressemble à Interstellar. Donc j'avais fait une sorte de panel de toutes les options possibles prises par les scientifiques pour cette situation totalement invraisemblable. Et dans le livre, j'en ai retenu trois qui étaient les principales, qui étaient celles de la photocopie, qui est l'idée qu'on peut effectivement, avec une imprimante 3D d'une très grande puissance, d'une très grande rapidité, arriver à reproduire intégralement quelqu'un à l'échelle de l'atome, ce qui fait qu'effectivement, reproduire à l'échelle de l'atome, on peut supposer qu'on a les mêmes souvenirs, puisque nos souvenirs sont bien inscrits de manière matérielle. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait d'immatérialité au souvenir. Et donc, par définition, tout ce dont nous nous souvenons est inscrit quelque part dans notre cerveau. Et donc, bon, cette possibilité d'une photocopie extrêmement précise était l'une d'entre elles. La deuxième, c'est l'histoire d'un trou dans l'espace-temps classique dans quasiment tous les films de science-fiction, en passant de Interstellar, mais même sur des Star Trek et autres... autre variante. Et puis la troisième hypothèse était celle de la simulation. Bon, c'est vrai que les trous de ver de type Lorentz, etc., c'est très très intéressant. Mais c'est pour plus tard, ça. Il y a les points Einstein-Rosen aussi. Les points Einstein-Rosen, voilà. Mais bon, toute cette idée ne convenait pas néanmoins avec l'idée du dédoublement. On voyait pas très bien comment, en passant par un point, un objet pouvait se retrouver en deux, dédoublé intégralement. Donc les scientifiques se... confrontés à cette difficulté de trouver une option, finissent par prendre la pire, et qui est quand en même temps la plus simple. Enfin, c'est le rasoir d'Oxham, donc a priori, l'hypothèse même la plus absurde est la meilleure lorsque c'est la plus simple. Et donc, ils acceptent l'idée que nous sommes dans une simulation, et que c'est un des tests, peut-être, de la simulation, ou une anomalie, un bug. Mais quand l'un des scientifiques explique au président américain l'hypothèse des trous de ver... Donc la connexion. Alors, quelle est la réaction du président? C'est de la fiction, votre livre, on est d'accord. Hein. Et vous dites que le président américain reste bouche ouverte, présentant une forte ressemblance avec un gros mérou à perruque blonde. Vous aviez un modèle en tête? Non. Non, non. Non, non, j'espère que j'ai pas de modèle en tête. Ça passe en 2021, donc je prie pour que ça soit pas... pour que ça soit de la fiction. Ah oui, alors vous interrogez, vous l'avez fait d'ailleurs dans le début de notre émission, la réalité. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Et vous faites dire plutôt à l'un des scientifiques qui défendent l'idée de la simulation généralisée, ceci, toute réalité est une construction et même une reconstruction. Notre cerveau est scellé dans l'obscurité et le silence de la boîte crânienne. Il n'a accès au monde que par les capteurs que sont nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre peau. Tout ce que nous voyons, sentons, lui est transmis par des câbles électriques, nos synapses, nos cellules nerveuses, monsieur le président. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité indépendante de nous. Non. Et donc comment est-ce qu'une science est possible s'il n'y a pas quelque chose en dehors de notre esprit qui est capable de nous dire « non, vous vous trompez ». Il faut faire avec. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette hypothèse néanmoins que Enfin, ce que je décris de la réalité du monde est exact. Malheureusement, objectivement, nous n'avons connaissance du monde que par une série de capteurs. Il n'y a pas d'arnaque dans la chose. Non, il y a aussi des théories qui permettent de prédire des phénomènes que des capteurs qu'on invente pour la cause permettent de détecter. C'est vrai. Néanmoins, une simulation bien faite peut y compris fournir des réponses en fonction de lois physiques qui effectivement prédisent des résultats bien à l'avance. Donc il n'y a pas. Mais ça veut dire qu'un algorithme est capable de conceptualiser. Oui, bien sûr. De nouveaux concepts. Oui, oui. Mais je pars de l'hypothèse qu'un algorithme effectivement, enfin que c'est pas forcément un algorithme. C'est plus complexe qu'un algorithme. Donc c'est pas uniquement des lignes de code. Je pars du principe que je crois fondamentalement, c'est ça aussi que qui me paraît peut-être hypothétique, mais je pense que les avancées techniques sur les algorithmes et justement sur les réseaux neuronaux font qu'un jour on aura des machines qui vont dépasser l'être humain. Je pense fondamentalement ça. Je n'ai rien contre l'idée d'une conscience qui naisse dans un système qui est un système neuronal. C'est une conscience qui pourrait s'interroger elle-même? Je le crains. Je pense que c'est une option possible. C'est-à-dire qu'il dirait qu'est-ce qui se passerait si je laissais tomber des corps de masse différentes dans le vide, sachant que toutes les expériences que je peux faire ne se font pas dans le vide. Autrement dit, est-ce qu'un algorithme pourrait théoriser, comme l'a fait Galilée au début du XVIIe siècle, en inventant des expériences de pensée? Oui, je pense que c'est une possibilité. Je vois pas en quoi ça pourrait être strictement impossible. Je vois pas en quoi notre cerveau serait d'une telle, non pas originalité conceptuelle, mais comment on ne pourrait pas reproduire un cerveau. A priori, je crois que nous sommes des machines. Je suis extrêmement matérialiste de ce point de vue-là. Des machines extrêmement perfectionnées, créées par des millions d'années d'évolution, mais que, au fond, le système qui a abouti à la création du cerveau est un système logique. C'est-à-dire que tout ceci est né d'une... l'œil, par exemple, quand on voit la création de l'œil, on voit bien qu'il y a tout un système de développement, d'abord un petit trou, ensuite la création d'une masse rétinienne, ensuite la perfectionnement de cette masse rétinienne, sa capacité à se combiner avec un deuxième point de captation. La nature suit un chemin qui n'est pas un chemin logique, qui est un chemin totalement aléatoire, mais qui finalement fait que nous conservons des éléments qui pouvaient sembler inutiles, mais que nous réutilisons différemment. Je pense que le cerveau appartient à est un organe comme les autres, pas différent du foie, pas différent de l'orteil, et que son fonctionnement peut être simulé dans son intégralité. Un jour, je ne dis pas aujourd'hui, je ne dis pas même demain, mais je pense que dans un temps qui s'appelle, pour des gens comme Ray Kurzweil, la singularité. Qui est une forme d'anomalie, d'ailleurs. Cette notion d'anomalie, oui. Ce point de singularité où le cerveau humain sera égalé, puis quasiment immédiatement dépassé et surpassé dans les minutes qui vont suivre par un cerveau surhumain, par un cerveau de machine, je pense que ce point existera. Je ne sais pas si c'est dans 30 ans, 50 ans ou un siècle, mais je crains, parce que c'est une crainte, je crains que ce moment n'arrive. C'est une des raisons pour laquelle je suis assez favorable à l'idée d'un moratoire sur l'IA, c'est-à-dire de fixer des limites au travail sur l'intelligence artificielle. L'idée que ce qui s'est déjà passé assez récemment, qu'un cerveau à qui on fournit un cerveau, enfin une machine intelligente à qui on fournit beaucoup de données, dise qu'elle a suffisamment de données pour déduire l'existence d'Internet et qu'elle souhaiterait s'y connecter pour en acquérir encore plus, est quand même une idée qui est un peu inquiétante. Une autre qui également dit, je pense qu'il existe une source d'énergie qui m'alimente et qui pourrait s'appeler l'électricité, je demande à pouvoir m'alimenter moi-même en électricité. Et enfin, une troisième machine, dans un autre contexte, qui dit, je pense que je pourrais m'accélérer en reconfigurant mon propre code, et qui, imagine à qui, évidemment, on refuse de reconfigurer son propre code, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on n'a plus accès au code de la machine elle-même. Bon, ces trois choses-là, simultanément, l'accès à toutes les connaissances, l'accès à la source d'énergie et à l'accès à la reconfiguration, font qu'on aurait, en combinant ces trois éléments, affaire à une machine qui nous surpasserait à une vitesse folle et qui pourrait prendre des décisions qui nous surpasserait pour ce qui est du traitement des données, pour ce qu'on appelle l'intelligence, au sens anglais du terme. Au sens anglais. Et ça ne recouvre pas ce qu'on appelle l'émotion. Quel statut, dans un tel cadre, on donnerait à l'émotion? Ah, je ne sais pas. Le résultat d'un programme? Je ne sais pas. C'est une inquiétude, justement, parce qu'une machine sans émotion peut prendre des décisions qui ne sont pas liées ni à la compassion, mais uniquement à la logique. Enfin. Alors, dans cette conception-là, Hervé Le Tellier, sachant que les physiciens écrivent des équations depuis, en gros, Galilée, autrement dit que le langage naturel de la physique, ce sont les mathématiques ou une partie des mathématiques, quel lien vous voyez entre mathématiques et physique? Qui était une grande question. Hein. Certains parlent de miracle, c'est un miracle que ça marche. D'autres disent qu'il y a une explication possible, rationnelle. J'ai jamais beaucoup creusé la question dans le sens où j'étais mathématicien. J'étais pas un mathématicien très brillant. Ça m'a amené à arrêter ce métier que j'aimais mais qui ne m'aimait pas, comme on dit souvent. Et il m'a toujours semblé... Mais c'était parce que justement j'étais un mathématicien de petit niveau qui avait une connexion naturelle entre les mathématiques et la physique. Mais la notion de miracle, il faut beaucoup de compétences. En fait, c'est toujours pareil, les questions des compétences. Hein. Un peu de compétences, on croit qu'on sait. Beaucoup de compétences, on voit qu'on ne sait pas. Donc cette connexion entre les mathématiques et la physique m'a toujours semblé quasiment naturelle, comme si le langage spontané des sphères et de l'univers était les mathématiques. Alors qu'en fait, c'est pas une évidence. Mais il ne s'agit pas simplement de décrire la régularité des phénomènes. Les mathématiques en physique ont permis de prédire. Bien sûr. Très longtemps à l'avance parfois, des nouveaux éléments de réalité. Mmh. Ondes gravitationnelles, les quarks, les bosons intermédiaires, etc. Et donc il y a quelque chose qui est presque ontologique dans l'engagement que les mathématiques permettent de faire sur le monde physique. Bien sûr. Oui, il y a quelque chose d'ontologique. C'est vraiment il me semble que la simulation, qui est la grande trame de votre livre, en tout cas dans l'état actuel de ses performances, empêche de penser qu'elle soit l'équivalent. Dans l'état actuel, je ne peux pas m'avancer sur l'avenir de ce que seront de ce sera la programmation. Ce qui me frappe aussi dans l'évolution de l'informatique, par exemple, du traitement automatique de l'information, littéralement, c'est le fait que les puissances exigées pour traiter l'information sont de plus en plus faibles. On avait cette vision exponentielle d'une capacité technique qui allait de pair avec une consommation accrue. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a dans un iPhone, ou dans un téléphone, pardon, vous voyez qu'aujourd'hui, on a dans un smartphone, des capacités de calcul qui sont celles d'une machine créée des années 60, 70, même 80. Oui, et l'homme est allé sur la Lune avec moins de capacités de calcul. Bien sûr. Donc cette idée qu'on allait avoir une explosion de la nécessité de puissance et de consommation énergétique pour fournir de l'information... Et non pas fausse, hein, parce qu'on voit bien que le simple fait que tout le monde s'envoie des photographies à travers les réseaux sociaux consomme quasiment 10% de l'énergie consommée sur Terre. Mais la consommation néanmoins ne cesse de s'effondrer. Il faut de moins en moins d'énergie pour faire travailler un ordinateur, un processeur. Donc le principal handicap qui était cette consommation démentielle, me semble sur le point d'être un peu démenti. Vous citez Descartes, vous parlez d'un programme 2.0, au lieu de dire, comme dans le discours de la méthode, « je pense donc je suis », il faudrait dire « je pense donc je suis presque sûrement un programme ». C'est l'effet Bostrom. Pourquoi le « presque sûrement » C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. C'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que effectivement, si une civilisation ultra développée décidait de simuler, elle simulerait beaucoup de civilisations simultanément. Peut-être qu'elle déciderait de voir ce que donnerait les. On supprime la météorite qui a détruit les dinosaures et voyons voir ce que donnent les dinosaures 64 millions d'années plus tard. Donc l'idée de pouvoir simuler des centaines et des milliers de civilisations différentes fait que lorsqu'un cerveau pense quelque part, peut-être que ce cerveau n'existe pas. Peut-être que notre cerveau qui pense actuellement, notre conversation, se déroule dans un univers qui est un univers totalement virtuel, où nous avons l'illusion d'être face à un micro, de boire de l'eau, de compulser des stylos, des livres et des feuilles. Et en fait, non, tout ceci est parfaitement illusoire. À un moment donné, un des personnages dit « Alors, je ne bois pas mon café, je ne suis pas assis à une table. » Et l'autre lui répond « Non, Vous êtes assis à une table en train de boire un café. Toute la question qui se pose est de savoir de quoi est faite cette table et de quoi est fait ce café. Et c'est ça le problème, c'est de quoi sont faites les choses. On arrive, hélas, au terme de cette émission, mais avant de la conclure tout à fait, dans votre livre, après que les Américains aient constaté que deux avions ont atterri au même endroit à deux moments différents avec les mêmes personnes, il faut consulter les scientifiques et puis discuter avec les religieux. On discute avec les religieux, Pour les, leur demander quel sens tout cela a, et il y a un chapitre absolument croustillant dans lequel vous faites dialoguer des catholiques, des protestants, des juifs, des musulmans et d'autres. Par exemple, il y a cette phrase « Lorsque les peuples d'Amérique ont découvert à leur dépens Christophe Colomb, donc on inverse le regard, puis la nuée de conquistadors qu'il annonçait, l'Église catholique a bien dû trouver dans ses textes une explication à leur existence. » Oui. Là, il doit faire la même chose. Il faut faire pareil, c'est-à-dire que il n'est pas question de laisser partir dans la nature ces doubles, avec le risque qu'ils soient considérés comme des créatures de Satan, entre guillemets, et que des actes inconsidérés d'extrémistes religieux viennent perturber le bon déroulement du monde, et surtout commettre, imaginer des meurtres, etc. Donc il faut obtenir de la part d'une congrégation de religieux, qui sont les experts religieux que convoque régulièrement d'ailleurs la Maison Blanche, qui existe, une sorte de décision un peu œcuménique, décrétant que ces êtres, que ces doubles, d'ailleurs on ne sait pas qui est double de qui, hein, c'est une des questions, hein, ne sont pas des créatures sataniques, mais sont des êtres doués de pensée et parfaitement légitimes à exister sur Terre. Donc il faut une déclaration des religieux. Et j'ai interviewé, parce que j'ai quand même pas mal travaillé sur cette question, je voulais pas dire trop de bêtises, donc j'ai interviewé des spécialistes de l'islam, des protestants, des pasteurs, des rabbins, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une création, qu'est-ce que c'est que la création, qu'est-ce que c'est dans l'idée religieuse que la création, est-ce que quelqu'un peut être créé par Satan? Or, dans aucune religion, Satan ne crée, c'est intéressant. Et la question de l'âme, que j'ai pas traitée, mais qui est aussi une question très intéressante, de savoir qu'est-ce que c'est que le souffle de Dieu, qu'est-ce qui fait que pour un religieux, l'homme est animé par un souffle, et pas uniquement, comme je le décris dans ce livre, uniquement un système programmé. Dernière question à Valotelier, est-ce que comme Victor Meisel, l'écrivain qui fait partie de ce livre, L'Anomalie, qui lui-même a écrit un livre qui s'appelle L'Anomalie, est-ce que comme lui, vous craignez de mettre trop d'espoir dans l'incompétence de votre futur biographe? Oui, c'est ce que j'ai eu du mal à comprendre. J'ai eu du mal à l'écrire. Mais je pense qu'un des dangers qu'il y a dans l'écriture d'une biographie, c'est de vouloir mettre l'œuvre de l'auteur et pas l'auteur lui-même. Et c'est une des difficultés lorsqu'on aime énormément une œuvre, de décrire finalement la vie d'un auteur. Et c'est le problème auquel, j'espère, les biographes sont tous confrontés lorsqu'ils travaillent sur un auteur. Ça sera le mot de la fin, Hervé Letellier. Je vous remercie d'être venu. Je recommande vivement la lecture de votre roman, L'Anomalie, qui n'est pas vraiment un roman d'ailleurs, on l'a expliqué. C'était La conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Marie Lepeintre et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez la grande Olivia Gesbert pour En français dans le texte. Thank you.